Qu'au moment d'élever un grand édifice, l'architecte observe, et c'en est le seul pour voir, s'il en peut soutenir le poids, le sage législateur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. La plupart des peuples, ainsi que des hommes, ne sont dociles que dans leur jeunesse. Ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ses maux pour les détruire. Semblable à ces malades, stupides et sans courage, qui frémissent à l'aspect du médecin. Peuple libre, souvenez-vous de cette maxime. On peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais, parce qu'on s'habitue à l'esclavage.